Ok, salut. Oh. Je sais pas. Let's go. Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Bonjour. Une bière, s'il vous plaît. Bah, je suis plus le président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Bah, je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Blablabla. Bah, je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Eh bien, je ne suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Non, attends. Plus déprimé encore. Bah, je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Ben, je suis plus président depuis que j'ai perdu les élections il y a 2 jours. Faut pas déprimer. Vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges que j'avais? Ok, normalement il devrait pas y avoir le reverb ici. Je pose. Ah, du coup, en fait, je vais refaire celle-là parce que ça sature. J'ai l'impression que ça sature. Donc, cette partie-là sera. À partir de là, j'ai baissé le son. Ok? Donc, faut pas déprimer. Vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges que j'avais? Faut pas déprimer. Vous déconnez ou quoi? Avec tous les privilèges que j'avais? Faut pas déprimer. Faut pas déprimer. Mais vous déconnez ou quoi? Mais avec tous les privilèges que j'avais, vous voulez pas que je déprime un peu? J'ai pas droit? Un petit peu, hein? Un tout petit peu. D'avoir les boules. Putain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une blague, mais vous savez qui je suis? C'est une blague? Vous savez qui je suis? C'est une blague? Est-ce que vous savez qui je suis? Moi, je vois comment vous êtes habillé. Bah, moi, je me dis, peut-être que si vous travailliez un peu plus, vous auriez des costards maintenant. Parce que moi, je suis plus président, mais j'ai pas de costard. J'ai un costard. Non, pardon, j'ai un costard. Merde. Oui, bon, tenez, une boîte à gros mots. Non, il a raison. C'est chier dans la colle. Le pouvoir, ça vous rend. Merde. Le pouvoir, ça vous enivre, ça vous rend fou. Non, non, non, il a raison. C'est chier dans la colle. Le pouvoir, ça vous enivre, ça vous rend fou. Non, il a raison. J'ai chié dans la colle. Le pouvoir, ça vous enivre. Ça vous rend fou. Sais pas si t'entendras, mais le bruit de l'ascenseur qui est dans le couloir là-bas est tellement fort que je l'entends jusqu'ici. Ok, je continue. Je devais vraiment pas être aimé. Je devais vraiment pas être aimé. Je devais vraiment pas être aimé. Mais depuis quand on devait vous écouter en fait? Mais depuis quand on devait vous écouter en fait? Mais depuis quand on devait vous écouter en fait? Mais depuis quand on devait vous écouter en fait? Explique-moi. Ben, je sais ce qui est bon pour vous, moi. Ben, je sais ce qui est bon pour vous, moi. Non? Ben, je sais ce qui est bon pour vous, moi. Non? Ben je sais ce qui est bon pour vous, moi! Hein? Non? Mais comment je sais ce que vous voulez? Mais comment je sais ce que vous voulez? Comment je sais ce que vous voulez? Ok, mais comment je fais? Hein? Comment je sais? Mais comment je sais ce que vous voulez? Ça marche pas, les référendums. Ça marche pas, les référendums. C'est petit, ça. Comme vous savez. Comme Nicolas Sarkozy. C'est petit, ça. Oh, c'est petit, ça. C'est petit, ça. Mais c'est ça qui me fout la haine! C'est ça qui me fout la haine! C'est ça qui me fout la haine! Ouais, mais pas contre un diable de Tasmanie! J'avais oublié ça! Attends. Ouais, mais pas contre un diable de Tasmanie! Putain! Ouais, mais pas contre un diable de Tasmanie! Putain! Putain! Je suis en face de vous, je vous signale. Je suis en face, je vous signale. Je vous rappelle que je suis juste en face. Je suis juste là. Voilà, j'espère que j'en ai pas loupé. J'ai eu un souci avec le dossier, mais normalement c'est bon. Il devrait pas y avoir d'écho cette fois-ci. J'ai fait plusieurs tests. Normalement, ça devrait être bon. Alors, bisous et évidemment. Je sais plus comment on dit. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'y repenserai pour la prochaine. Bisous.